simple et ma tâche. Et plus l'époque, les prix sont sans même pour du verre. Je vois des terres, j'ai pas sucé pour prendre ma place. J'avais pas un, je suis parti visser pour ma pièce. J'avais pas un, je suis parti vendre pour le mec d'à côté. Deux semaines plus tard, et là, moi j'entends sa mort. Aujourd'hui, je m'embrouille avec des queues, mais d'à côté. Mais tout ça, ça sera fini quand tu seras mort. J'ai vu des bombes, des mecs bizarres dans la cité. Moi, quand je vis gravé, c'était par nécessité. C'était pas pour faire au sol de ma cité. C'est le manque d'oseille qui nous avait incité à faire des affaires avec des gens compétents. Si tout est carré, gros, c'est normal qu'on s'entende. J'en ai des potos compris des peines d'assassins. Donc, qui vesquit des dupes, en pleine cour d'assises à la cité. On sait se retenir quand c'est méchant. Les mains gantées, si je dois monter, tenue d'échange. On en a mis combien d'aiguilles sur un échange. Reste concentré ou tu vas te griller un assaut. Y'a des peupons, ça cherche même pas de fusil d'assaut. C'est au Détroit que j'ai appris à faire des lassos. Je vais éteindre du monde, digo, si je sors plus d'un son. Enculé, j'écris mes textes sans émotion. Sans émoji, je suis ma cama, je repense et je me dis que je suis maudit. Personne qui peut m'aider, ça s'enfume dans l'audi. Le temps passé, je fais que répéter cette mélodie. Sans émoji, je suis ma cama, je repense et je me dis que je suis maudit. Personne qui peut m'aider, ça s'enfume dans l'audi. Le temps passé, je fais que répéter cette mélodie. On connaît la scène, en cas d'embrouille, voilà tu finis au sol. Y'a la balistique, y'a des draps blancs, des mères en pleurs, des mecs au sol. On connaît la scène, en cas d'embrouille, voilà tu finis au sol. Y'a la balistique, y'a des draps blancs, des mères en pleurs, des mecs au sol. C'est vrai qu'ils font du sol, y'en a pas un pour attraper l'eau dans la tête. Ego, si t'es mon frère, si tu mets les gants ensemble, on monte dans la caisse. C'est vrai qu'ils font du sale, y'en a pas un pour attraper l'autre dans la tête. Ego, si t'es mon frère, si tu mets les gants ensemble, on monte dans la caisse. Par moment, je suis parano, je me prends trop la tête. Ça pense au cash, à tout ce qui se passe autour de la tête. On est patient, on sait comment monter dans la caisse. Quand faire du sale, histoire de faire augmenter la caisse. Imbécile, content, je reçois pas tes mandats. Moi, faut pas chercher à me joindre pour que je vienne t'aider. Souvent, je niquais tout, voilà, je régalais mes gars, je régalais mes gars, tout ça, ça m'a pas aidé. Je régalais mes gars, tout ça, ça m'a pas aidé, tout ce que j'ai fait, t'as pas aidé. T'as pas aidé, dans la cité, je suis validé. Bonne qualité, ça peut être un don. Chez toi, si t'es tout seul, même si tu veux visquer, gros, je veux pas te chercher longtemps. On sait où t'es, y'a plus de détails dans la TC. Faut que je vais couper. Si je reviens bouliquer, c'est qu'on t'a loupé. On connaît la scène, en cas d'embrouille, voilà que tu finis au sol. Y'a la balistique, y'a des draps blancs, des mères en pleurs, des mecs au sol. On connaît la scène, en cas d'embrouille, voilà que tu finis au sol. Y'a la balistique, y'a des draps blancs, des mères en pleurs, des mecs au sol. C'est vrai qu'ils font du sale, y'en a pas un pour attraper l'eau dans la tête. Ego, si t'es mon frère, si tu mets les gants, ensemble on monte dans la caisse. C'est vrai qu'ils font du sale, y'en a pas un pour attraper l'autre dans la tête. Ego, si t'es mon frère, si tu mets les gants, ensemble on monte dans la caisse. Thank you.